Faut pas compter sur moi, mademoiselle, pour vous aimer encore une fois. Faut laisser glisser le vent, mademoiselle, pour qu'il chasse les sentiments. Je veux rester libre, je veux pas qu'on sonne au service de mademoiselle. Le souper est servi, la table est dressée conforme. Non, faut pas compter sur moi, je n'appartiens à personne. Je ne veux pas qu'on me sonne au service de mademoiselle. Faut plus compter sur moi. Je saurai vos printemps, vos étés et l'automne de vos hivers qui encercle le corps depuis le verre. Je saurai votre amant échoué sur la rive d'un souvenir. Mais vous nourrir de ressouvenirs, faire frémir les entrailles, c'est fragile, ça casse comme du verre. Il faut vous dire, vous emportant la douleur qui étouffe votre cœur. Je saurai vos printemps, vos étés et l'automne de vos hivers qui encercle le corps depuis le verre. Je saurai votre amant échoué sur la rive d'un souvenir. Mais vous nourrir de ressouvenirs, à faire frémir les entrailles, c'est fragile, ça casse comme du verre. Il faut vous dire, vous prévenir, à faire mentir où qu'on aille, que le mental c'est la force qui prend l'air. Votre mal au moral, mademoiselle, trouvera son aval, mademoiselle. D'un éclair, juste un instant vous fera trembler de la tête aux pieds, en portant aux oubliettes vos souvenirs les plus chers. Je n'appartiens à personne, je n'appartiens à personne. Je veux rester libre, je veux pas comme ça. Je saurai vos printemps, vos étés, l'automne de vos hivers qui encercle le corps depuis le verre. Je saurai votre amant échoué sur la rive d'un souvenir. Mais vous nourrir de ressouvenirs, à faire frémir les entrailles, c'est fragile, ça casse comme du verre. Il faut vous dire, vous